Salut, c'est Benoît. Salut, c'est David. On est La Jarrie. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. À quoi ça sert une innocente en prison? À quoi ça sert une innocente en prison? À qui profite autant de douleur? Ces gens-là n'ont-ils pas de cœur? Tout cela m'est insupportable, insupportable. Je veux me battre jour après jour et continuer de vivre. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Je veux me battre jour après jour et continuer de vivre. Gonflé par vos mains de l'amour. Une innocente en prison. Je me suis souvent posé la question. Pourquoi un tel acharnement contre moi dans un pays qui ne respecte pas la loi? Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Maureka, c'est tous les vendredis à partir de 19h, on est ensemble pour 3h. Là on avait discuté un petit peu plus avec Manu, ça fait plaisir de d'entendre deux voix. J'imagine les auditeurs, j'imagine à la place des auditeurs, écouter deux voix de deux émissions différentes comme ça en même temps. Mais il faut savoir qu'on se connaît depuis très longtemps et puis c'est vrai qu'on discute beaucoup. Et là on avait décidé de faire, c'est un peu une première, hein, décidé de faire justement un petit passage d'antenne. Tous les deux, ben on va vous habituer à faire ça régulièrement toutes les semaines. L'émission Eureka aujourd'hui, c'est la 520e, comme j'ai dit tout à l'heure à Manu. Et j'avais pas d'invité, je vous ai annoncé ça comme ça toute la semaine dernière. Mais effectivement, il y aura quand même quelqu'un qui va venir ici. C'est un musicien, mais il viendra pas en tant que musicien. Il viendra en tant que personne qui fait partie d'une association qui s'appelle Le Son des Blés. Et le festival a lieu demain, donc il va nous parler des artistes qui seront là. Il va nous expliquer plein de choses en tout cas. On va parler donc avec notre ami Pascal Depardet, qui est le contrebassiste des Soun Camille aussi. Voilà. D'ailleurs, les Soun Camille, j'aimerais bien qu'ils reviennent un petit peu dans l'émission Maureka. J'ai vu Patrick il n'y a pas très longtemps, le guitariste. Et dès qu'ils veulent, ils reviennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je voulais annoncer aussi, la semaine prochaine, on reçoit le groupe Duke. Alors, le groupe Duke, ils étaient deux, ils avaient un percussionniste. Et là, cette fois-ci, il y a un changement de percussionniste. Donc là, il sera tous les trois dans l'émission numéro 521. Et on va découvrir donc le groupe Duke dans la nouvelle version, puisqu'on les a déjà reçus une première fois. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de le retrouver dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc depuis le début de l'émission, on a écouté plusieurs morceaux. On a écouté les Shaky Mets avec Rock'n'Roll, une reprise de Led Zeppelin. On a écouté aussi Last Train avec Disappointed. Voilà, j'espère que je l'ai dit à peu près bien en anglais. Et beaucoup plus facile, donc La Jarrie avec Marc D'Amour, un morceau qu'on vient d'écouter à l'instant. On va continuer avec The Twangy and Tom Trio, Full Moon. Et justement, on a plein de musique à vous diffuser. Vous pouvez retrouver aussi la liste de tous les artistes qu'on diffuse, donc la liste du programme de l'émission numéro 520 du vendredi 23 septembre 2022 sur le Facebook de l'émission Maureka. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez même faire des demandes de chansons. Si je les ai là, je les passerai avec beaucoup de plaisir. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 22h et c'est que du plaisir sur Radio Arc-en-Ciel. make me stop. And down the road I go. We are four more. Nation that I choose. skies are deep. We can get lost. Open eyes and mouth wide open. Summer walk on the moon. All this fly in the sky. Just look up and relax. Focus on my life. groupe s'appelle Movement of Return. On les avait reçus il y a quelques années déjà. Ça, le temps passe très vite. Le morceau s'appelle Thunder. Et A Movement of Return, si vous prenez la première lettre de chaque mot, bah, ça fait Amor, Amor. Voilà. Juste avant, c'était le nouveau groupe Dérapade avec le titre Sordide. Encore avant, c'était les Miss Grad & Co avec My Road Song. Et on avait commencé cette série musicale avec Jack F. Doucement après 22 heures. On continue tout de suite avec un groupe que nous avons reçu il y a quelques semaines. Il s'agit du groupe Drive to Amnesia avec un morceau qui s'appelle Away. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Thank you. jour je me suis réveillée, des notes sortaient de mes pensées. Alors bah j'ai pris mon clavier et mes mains se sont mises à jouer. Fini les jeux vidéo, je prends quelques feuilles et un stylo. Premier texte, première compo, et je me suis mise à viser haut. Fini les ciné, restons, faire un album c'est du boulot. Mixer studio vidéo, moi ce que je veux faire c'est des concerts. Mais ça c'était dans ma tête, écrire, trouver des repères. Je pensais pas que c'était possible, réaliser impossible. Premier album, premier retourné, dès la début j'ai cerveau retourné. Dans mon studio j'avais pas pensé. Moi je voulais juste chanter, juste chanter, juste chanter, juste chanter, juste chanter, juste chanter, juste chanter. Magique, sans contact et un paquet de fric. Tes rêves sont antipathiques. Après tout ça, j'ai compris que j'aurais dû rester dans mon lit. Heureusement, y'a le public. Toi qui me suis, je te remercie. Combien d'erreurs, combien de folies. Mille et une heures, plus d'une mille et une nuit. J'en ai rêvé, mais là, pas du gars m'en a éloigné. J'suis pas une boîte à billets, ni un mensonge maquillé. J'ai rien de particulier. Moi, je voulais juste chanter. Je chantais. Chapeau cloche en se levant tôt. C'est vendredi soir, le 2 janvier 1920. Les artistes font grève et c'est cocasse. Jojo, ce soir, est devant les grilles. Le spectacle est suspendu. Dans la rue, sa affiche complète. Alice s'approche, elle joue des coudes. Tract à la main, Jojo l'appelle. Alice, Alice complice. 18 ans d'Alice. Sandine, Alice. Alice est toujours là où elle veut. We'll be right back. des gens gentils qui feraient n'importe quoi pour que ta vie soit belle. Il y a des gens gentils. De connaître ces gens-là comme la vie est belle. Il y a des gens gentils. S'il fait pas beau chez toi, des morceaux d'arc-en-ciel. Il y a des gens gentils qui décrocheront pour toi la lune et le soleil. Il y a des gens gentils. Te démontreront que tu es une merveille. Ouvre bien grand les yeux, regarde autour de toi. Regarde autour de toi, il y a. Il y a des gens gentils. Des gens gentils. Il y a des gens gentils qui vous offrent des fleurs sans qu'on les mérite. Il y a des gens gentils qui ont de la douceur pas à vendre, à donner. Il y a des gens gentils qui ouvrent grand leur cœur sans qu'on les demande. Il y a des gens gentils qui vous font voir plus clair même dans l'obscurité. Il y a des gens gentils qui donneront leur vie pour ta sécurité. Ouvre bien grand les yeux, regarde autour de toi. Regarde autour de toi, il y a. Il y a des gens gentils. Des gens gentils. Il y a des gens gentils qui t'offrent le printemps quand l'hiver est gelé. Il y a des gens gentils qui vous donnent du bonheur sans qu'on l'ait demandé. Il y a des gens gentils qui sourient de tout cœur quand tu es attristé. Il y a des gens gentils. Et du fond de mon cœur, ce que je veux souhaiter, c'est que ces gens gentils soit ne serait-ce qu'une heure un jour à tes côtés. Ouvre bien grand les yeux, regarde autour de toi. Regarde autour de toi, il y a. Il y a des gens gentils. Des gens gentils. Des gens gentils. Des gens gentils. Des gens gentils. Express to Shanghai. Surrounded traverse through my imagination. I hope of other stations. Sur les traverses des rails. Voilà, dans l'émission Mavrika, aujourd'hui c'est l'édition numéro 520 et justement on essaie de diffuser le maximum de musique, donc c'est pour ça que je laisse les morceaux défiler les uns derrière les autres. On a écouté depuis tout à l'heure, donc on était arrêté à Drive to Amnesia avec le titre Highway, et juste après on a écouté les Foggy Bottoms avec Si Seulement, Odeon avec Résilience, Yavanna avec Juste Chanter, les frères Tyran avec Alice et Jojo, David McLean le dernier morceau, voilà, tout le monde l'a découvert ce soir je pense, Des Gens Gentils, Angéline Anonier qui était notre invitée de la semaine dernière, donc qui a sorti un super album que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, et on a écouté le morceau, celui qui est vraiment le sien, puisque d'autres sont principalement des reprises de Tina Turner. Ce morceau s'appelle Shanghai. On a écouté aussi avec beaucoup de plaisir le retour de notre ami Manu Lorca, une histoire des notre histoire des rails, voilà, tout simplement. Et moi aussi, je déraille un petit peu. Et ensuite, on a continué avec Bruno Bauer, Under the Searchlight, et à l'instant, les Uncle Bikers avec Never Come Back. Et comme je vous l'avais dit, ce soir, on a des invités, ce sont des musiciens, mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose que de la musique, de votre musique. Quoique, quand même un petit peu. Pascal, il est là. Salut Pascal. Salut. Ah bah, superbe voix, impeccable. Là. Ah oui. Ça va Pascal? Alors, ouais, nickel. Alors toi, tu es le contrebassiste, pour les gens qui suivent un peu les artistes de la région, du groupe Swim Camille, le jeu de mots. Et vous étiez venu, ça fait déjà un petit moment hein, quand même. J'ai regardé, c'était en 2017. Ah oui, déjà. Ouais, ça commence à dater. Hein. Il va falloir revenir. Hein. Oh, ouais. J'ai vu Patrick la dernière fois. On attend ton invitation. Ah bah vous venez quand vous voulez, c'est à vous de me dire. Ouais, demain on a de quoi faire. Demain on a du boulot demain. Donc le groupe Swim Camille, et en plus ce soir tu es venu avec Marcelin. Ouais. Il est là. Salut Marcelin. Attends, on va te retrouver un micro, voilà. Salut Marcelin. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, comme ça, moi j'ai vu Patrick il n'y a pas très longtemps. J'ai vu le groupe en quelques temps. J'ai vu. En décousu, voilà. Ça va le groupe? Comment ça se passe? Ah oui, moi, j'ai vu que ça tourne. Il y a des petits concerts à droite à gauche. On a pas mal tourné cette année. On n'a pas à se plaindre. On s'est bien fait plaisir. On a eu des bonnes scènes avec des ingénieurs son. Un vrai bonheur. Très bien. Et ben voilà, et ben il va falloir revenir dans l'émission pour nous raconter tout ça, parce que ça commence à faire problème. Pas de problème, on va essayer de se caler ça très très rapidement. Donc aujourd'hui vous êtes venu parce que vous faites partie d'une association qui s'appelle Le Son des Blés. Le festival Le Son des Blés. Voilà. C'est notre quatrième édition. On a commencé en 2017. À la base on est parti sur une poignée de musiciens. De plusieurs groupes, on était trois groupes différents. On a décidé de se faire une petite fiesta entre copains. Du coup, on a ouvert les portes. C'était qui les groupes là? Tu peux nous les citer? Alors, un peu, parce qu'on les connaît. Un super groupe, les Swim Camille. Les Swim Camille, oui. Non, je déconne. Incontournable. Non, il y avait un groupe qui s'appelait Les Hordies. Que j'avais reçu aussi dans l'émission. Ouais. Bah, que tu ne recevras plus maintenant. Oui, parce que le groupe, comme beaucoup, il y en a beaucoup que j'ai reçu, qui n'existent plus. Mais par contre, les musiciens, on les retrouve dans d'autres formations. Ouais. Donc voilà, la musique continue. Un musicien est un musicien. Il est né musicien, il meurt musicien. Ouais, il peut pas faire autrement. Il y avait un autre groupe qui s'appelait les Roxymoor aussi, voilà, qu'on a reçu. À l'époque, ça s'appelait les Tétons Flingueurs. Oui, ça avait commencé comme ça, mais après, ils ont changé leur nom. Et puis, il y avait un autre groupe qui s'appelle Elixir. Qui est toujours en pleine action. Ce soir, notamment, ils sont en concert à la guinguette au Domino. Oui, j'ai vu passer le truc sur Facebook. Ce soir, non, demain, ils sont demain. C'est demain. Mais faut pas y aller. Faut pas y aller. Non, parce qu'il y a un demain, truc. Il y a un truc super important qu'il faut pas rater. Ça, c'est un truc incontournable. Ça s'appelle le Festival du Son des Blés. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir avec vous. Bonsoir, au fait, chers auditeurs et auditrices. Voilà, toi, t'as envie de revenir à la radio, toi. Hein. Tu sais que j'ai commencé, j'avais 17 ans à la radio. D'accord. Ah ouais, t'avais fait de la radio et tout ça. Ouais, j'en ai bouffé. Donc voilà, tu reviens un peu, tu vois le micro, le casque, ouais, ça, bah, ça revient. Ouais, les vieux réflexes. C'est comme la musique, c'est pareil. Le Son des Blés, donc, qui a lieu demain soir. À partir de 19h. Alors, 19h, ouverture des portes. On va revenir déjà sur l'organisation du festival. Donc on est donc une poignée de à peu près une petite vingtaine de bénévoles. et ça depuis 2017. On a fait trois éditions qui sont pas trop mal déroulées, jusqu'à temps qu'on a une invitée, Dame la Covid, qui nous a bien pourri pendant 2 ans. Ouais, donc on a eu, hélas, 2 années blanches. Ça, il y a eu plein d'associations quand même coulées, hein, capotées à cause de ça, et beaucoup d'artistes aussi qui ont du mal à se relever et de repartir. Donc là, on souhaite que ça reparte une bonne fois pour toutes quand même. En effet, t'as raison, au niveau des associations, c'est vrai que quel que soit le domaine de l'association, à partir du moment où on est dans les associations, on a des bénévoles, on a des actions à réaliser, qu'elles soient musicales, peu importe l'objectif de l'association, mais on a besoin de personnes en face. Hélas, avec le Covid, on a eu personne, on n'avait plus d'actions à faire, et du coup, beaucoup de bénévoles sont partis des associations, beaucoup d'associations ont disparu, hélas, des associations sportives essentiellement. Donc nous, on est encore vivants, oui, voilà. Toujours debout. Toujours debout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, on va donc vous relancer et puis vous faites une sacrée édition quand même. Parce que là, il y a des bons artistes, hein, j'ai pu voir. Et jusque-là, on était en intérieur. En plus, en fin de saison, donc on était sur les mois d'octobre-novembre. Donc pas terrible au niveau température. Là, cette année, on a la chance de le faire en extérieur. Donc on espère que notre ami Le Ciel sera... partisan de vous avez notre... vu la météo pour demain, non? Non, j'ai téléphoné à Dieu, je me suis arrangé. Ah ouais, normalement, bon, c'est bon. Normalement, ça devrait bien se plier. T'inquiète, je gère. Très bien. Donc voilà, notre petit asso, on se lance sur une quatrième édition. Donc là, c'est du plein air. On a une super grande scène. On a pris du bon matos. On a tout monté déjà, toute la scène est montée. La lumière est câblée, bon, le son pas encore, mais ça va se faire demain matin. Mmh. Il y a encore du boulot, là, vous êtes en plein taf, là. Depuis ce matin, 8h, on n'a pas arrêté. Bon, on a eu quelques cacahuètes, quelques cagailles à droite à gauche, mais bon, on s'en est bien goupillé jusque-là. A priori, demain, on est opérationnel, 19h, ouverture des portes. D'accord. Donc, notre principe, là, pour éviter... je sais pas si vous êtes tous habitués à aller dans des festivals. Le concept, pour éviter les queues à la bouffe, à la buvette, etc. Mm-hmm. Donc du coup, on a pris le système de vendre des petits épis. Donc ça sera des petites pièces. Hein. D'accord. Ça a une valeur de 1,40€ la petite pièce. Et à partir de ce moment-là, on achète le nombre de petites pièces qui nous intéressent. Et on va aller soit à la restauration, à la buvette. Et on paiera directement. Ça évitera d'attendre des rendus de caisse, etc. D'accord, très bien. Comme ça, ça sera... C'est vrai que ça se fait de plus en plus. Hein. Donc vous avez choisi des épis. Oui, on est dans la campagne. Autour de nous, il y a beaucoup de champs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah, c'est bien trouvé !» Parce que le son, c'est aussi le son du pain. Voilà. Donc le son, et là, c'est le son, le vrai son. Hein, c'est la musique. Le son qui envoie, oui. Qui envoie. Bon son. Alors il y aura plusieurs projets différents. Donc, quatre groupes, ouais. Je reviens sur la restauration. Oui. T'avais pas fini encore. On fait pas n'importe quoi en restauration. On va pas faire des merguez. Ça, on en a mangé tous l'été. On a bouffé que ça. Donc nous, on a décidé de faire des burgers, mais burgers maison. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est pas des trucs fabriqués voilà, en usine. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est les pains. Mais les vrais, ça va être du vrai steak, de la vraie viande hachée à la boucherie, qu'on va faire nous-mêmes, à la cuisson à la demande. Il y aura tout ce qui est produit à l'intérieur, c'est du circuit court, hein. Donc c'est à côté de chez nous. Heureusement qu'on a des partenaires. Merci à nos partenaires aussi. Je vais les citer tous après. Donc, grâce à ça, vous avez quand même des vrais hamburgers avec de la vraie viande et tout ça. Donc, vraie viande. À côté, pour ceux qui n'aiment pas les burgers, on fait des hot dogs. Aussi. Donc, bon. Il y a moyen de hot dogs. Et puis, en dessert, on fait des petites crêpes. Des petites crêpes, dame Suzette. Très bien. Donc, on peut se restaurer, on peut boire. Restauration. Il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Alcoolisé, non alcoolisé, tout sera là. D'accord, bah super. Et donc, les bénévoles, au taquet. Voilà, donc pour la restauration, la buvette, et on va peut-être parler des groupes aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont là. Ah ouais, j'avais oublié ce détail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi au festival, c'est pour rencontrer d'autres personnes et manger tous ensemble. Ouais, mais bon, quand il y a la musique, c'est encore mieux. Ouais, il va y avoir un petit arrière-fond musical. Un fond musical. Alors donc, en fait, on va voir quatre groupes. Trois qui vont tourner sur une grande scène et un groupe qui va tourner sur une petite scène. Alors je vais présenter déjà le petit groupe qui va tourner sur la petite scène, qui va faire des interplateaux. Il s'appelle les Jesus Whiskey. Ouais, donc moi j'ai vu le nom, ça me disait quelque chose, j'avais déjà vu quelque chose. Et effectivement, c'est le nouveau projet d'un harmoniciste que nous connaissons bien qui s'appelle Dominique Valade. Voilà. Donc j'ai reconnu et donc c'est de la musique, c'est du blues quoi. Blues, retourne bayou, un peu bayou. Ouais, c'est le blues des origines vraiment. Traditionnel. Donc une contrebasse, un guitare lead chanteur et un harmonica. Mmh, très bien. Est-ce que t'aurais un morceau à nous faire écouter de ces gars-là? Ah oui, il me semble qu'il y en a. Si tu trouves ça, on serait bien content de l'écouter. Voilà, donc on avait préparé justement un morceau de chaque artiste, comme ça on va les découvrir au fur et à mesure, et on va commencer donc par Jesus Whiskey. Donc on va découvrir le son pour donner envie aux gens d'aller demain au festival. Ouais. Ce morceau-là, alors moi c'est un morceau que j'ai trouvé sur Internet, mais il n'y a pas de titre du tout. Mais bon, l'important c'est d'écouter la musique. Et ça puis, sera... à la limite, demain on leur demandera quel morceau on a diffusé. C'est parti. Trio Jesus Whiskey. Alors yes. Ça s'écrit avec un E-Y. E-Y, voilà. Ouais. Très bien, donc la musique qui nous amène un peu au début du 20e siècle, hein, c'est ça, hein, c'était vraiment les origines du blues. Ouais, c'est le tout début des origines blues. New Orleans, quoi. Ouais, et en plus, donc ce groupe-là, il va faire les interplateaux. Ça, c'est-à-dire qu'il sera pas sur le plateau, il sera là au moment où justement on préparera les plateaux pour les groupes où il y a plus de personnes. Eux, ils seront sur une petite scène, c'est ça ? Oui, on a mis une petite scène à côté. Elle n'est pas toute petite non plus. Il y aura un petit peu de light, il y aura un peu de son, évidemment. L'objectif. Non, l'objectif, c'est quand le groupe sur la grande scène termine son set, direct, il n'y a pas de coupure. On passe sur la petite scène, on a un fond musical, le temps de changement de plateau réalisé par nos bénévoles, bien évidemment. D'accord, très bien. Donc ça, c'est vrai que ça se fait de plus en plus et ça permet d'éviter des fois un quart d'heure parce que les gens ils disent bon le premier groupe a joué, on va tous à la buvette, ils vont tous à la buvette. Bon, après ils iront quand même tous à la buvette. Ils iront quand même, mais là en écoutant du bon son. Voilà. Parce que sinon d'habitude il y a quand même un cross ou sinon un arrière-fond qui passe dans la sono, mais c'est pas de la musique en live. Ouais, là c'est de la musique vivante. Là c'est du live. Là, l'objectif c'est d'avoir des vrais gens qui jouent des vrais instruments face à nous. Jesus Whiskey. Voilà, il faut retenir le nom. Et puis s'ils veulent venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale pour les faire découvrir justement un peu plus, eh ben ils seront les bienvenus. Voilà. Donc on continue parce qu'il y a trois autres projets hein, qui participent donc à cette édition le numéro 4 de Le Son des Blés. Ça, hein. Oui. Le Son des Blés Festival. Et donc le deuxième qu'on va présenter, c'est Les Oreilles qui saignent. Les Oreilles qui saignent. Ok, ça fait peur au niveau du nom. C'est vrai que ça donne pas, c'est pas très engageant potentiel. En fait, ne vous inquiétez pas, c'est pas du métal, c'est pas du punk. Hein. Absolument pas. Ça saigne, ça fait pas saigner les oreilles de cette manière. Pas du tout saigner. C'est cinq petits gars de l'Eure-et-Loire du 28, Rouvray-Saint-Denis, si je me trompe pas. Il y a donc basse, batterie, guitare, plus un lead chant et deux accordéonistes, quoi, deux chanteurs accordéonistes. Et eux, leur truc, c'est de faire des reprises. Mmh. Donc reprise de la chanson française. Donc là, on est dans les standards de la variété, pas péjorativement, hein, bien sûr, le terme variété. Donc ils font des reprises de Soldat Louise, de Renaud, de Aznavour, de Téléphone, Noirdez, etc. Moult possibilités à écouter. Et ces revues et corrigées sont leur sauce, la sauce avec un accordéon. Avec des accordéons, voilà. Très bien, donc, et puis tu savais qu'ils avaient aussi repris un morceau de David McLean ? Ah non. Bah c'est justement le morceau que je propose d'écouter maintenant pour découvrir justement leur son. C'est un morceau qu'on avait déjà passé il y a quelques temps et je suis tombé un jour par hasard en cherchant justement de la musique de David McLean et j'ai trouvé Les Oreilles qui saignent et j'avais demandé à David puisque David était encore là la semaine dernière s'il connaissait ce groupe-là. Il dit oui, c'est des amis à moi et puis ils ont repris un de mes morceaux et c'est vrai que c'est super bien quoi. En tout cas, c'est une bouteille de rhum et un pack de bière. Donc on va écouter Les Oreilles qui saignent. Faut pas rester comme ça. Faudrait qu'ils souffrent, qu'ils implorent père et mère. En attendant, tous ensemble, on se fera une bouteille de rhum et un pack de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac. souiller la mer. Pour des profits, ils feraient n'importe quoi. Ils n'hésitent pas, ils vendraient même leur mère, leur père, leur frère, même au cours le plus bas. Et nous, on s'en va à l'autre bout de la terre. Si on y pense, promis, on écrira. On a chargé à bord nos petites affaires. Si quelque chose bon qu'on en trouvera là-bas, on en verra un peu d'eau de leur mère. Elle est très propre, pour ça changera. En attendant, pour vous, on lève nos verres. À votre santé, bien à vous les petits gars. Une bouteille de rhum et un paquet de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac. Une bouteille de rhum et un paquet de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac. De bière, une bouteille de rhum et un paquet de tabac. Une bouteille de rhum et un pack de bière. Une bouteille de rhum et un paquet de tabac. Les oreilles qui saignent avec une reprise, un morceau de notre ami David McLane, la bouteille de rhum, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc ça montre un petit peu l'ambiance. Oui, alors ils sont super engagés, ils sont branchés chansons marins comme l'entendre. Hein. C'est des compositeurs aussi, hein, ils composent, donc ils font pas que de la reprise, il y a un peu de compo. Donc voilà, c'est un groupe qu'il faut impérativement découvrir demain à Boulay-les-Bars. Boulay-les-Bars. Alors, où est Boulay-les-Bars? Où se trouve Boulay-les-Bars? Voilà. Oui, où se situe Boulay-les-Bars? Alors, vous voyez Orléans? Vous voyez Paris? Eh ben, c'est entre les deux. Non, c'est juste au nord d'Orléans, après Orme, juste après Orme, on tombe direction la base aérienne. C'est pas loin de Brissy, tout à fait. Voilà, pas loin de Brissy. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'explication. Les oreilles qui saignent. Boulay-les-Bars demain, 19h, ouverture des portes, 19h30, début des concerts. On sera là pour vous accueillir. Alors on sera là parce qu'il y a aussi un groupe. Alors je peux pas dire un groupe. Est-ce qu'on peut dire un groupe quand le gars est tout seul? Il joue tous les instruments, mais tout en même temps. Ouais, c'est vrai qu'il est impressionnant là-dessus, c'est un vrai magicien. Je vois de qui tu veux parler, c'est Jekyll Wood. Jekyll Wood. Ouais, j'ai eu l'occasion de le voir il y a déjà quelques années. Et à chaque fois, il y a aussi des vidéos qu'il partage assez régulièrement. Puis je diffuse aussi les morceaux régulièrement dès qu'ils sortent. Mais par contre, il n'est jamais venu dans l'émission Mavrika. Mais je sais qu'en tout cas, l'ayant vu il y a au moins... Oh, ça commence à dater, hein, c'est au moins 5 ans ou un truc comme ça. Il commence à faire des choses. Il travaille beaucoup avec des boucles et des samples. Donc il fait, par exemple, une percussion sur sa guitare. Dessus, il commence à faire une basse. Et après, là-dessus, il commence à jouer de la guitare électrique et à chanter. Et puis là, ça décolle, quoi. C'est super... Ouais, donc il a commencé en 2012. Mm-hmm. Il est issu d'un conservatoire de Poitiers au niveau de la guitare. Mm-hmm. Donc c'est un vrai musicien. Oui. Et il va faire des boucles. Donc une boucle. boucle, c'est quoi? C'est un sample? Ouais, ouais, c'est ça. Un ouais. sample, c'est quoi? Bah, c'est une boucle. Non, j'ai quand même... Non, ouais, en fait, c'est-à-dire qu'il prend un son, et bah, il se base sur le temps, le tempo, quoi. Il va faire une rythmique. Il va faire un truc sur quatre temps qu'il va répéter plusieurs fois et dessus il va greffer des nouvelles qui choses. Qui va enregistrer dans une petite machine. Ouais. Et après il les commande. Enregistre un autre truc par-dessus. Ouais. Et après il va mixer tout ça tout en jouant. Donc ça doit être relativement. Moi j'ai jamais jamais vu en live et j'ai impatience de découvrir cet artiste parce que ça doit être hyper complexe à gérer tous les instruments. Je ne sais pas comment il fait. Ouais, je sais pas. Mais je sais pas. Je suis impatient de découvrir ça. Et aussi il est tout seul. Bon, c'est un homme orchestre, lui tout seul. Mais vous allez voir quand vous allez le voir sur scène, c'est que vraiment on a l'impression qu'il y a un groupe avec lui. Hein. C'est pas il fait de la musique Rémi Bricat. C'est carrément là le grand orchestre qu'il arrive à faire tout seul, hein, avec tous les boucles qu'il arrive à lui tout seul. C'est une machine à voyager dans le son. Voilà. Très bien. Donc J.K. Wood. Alors on écoute un petit morceau. Oh non, j'ai envie de parler de lui. Ah ouais, vas-y, si t'as d'autres choses à rajouter. Non, vas-y, vas-y. Si t'as des choses à rajouter, c'est vrai qu'on a non, déjà... Non, bah, disons que c'est un petit gars, bon, il a fait juste la première partie de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, hein, ouais. En 2018, à l'American Tour. Donc, ouais, il y a du level. Il y a du niveau. Il y a du niveau, ouais. Ouais. Donc, son premier petit micro enregistrement, c'était en 2012. Après, il a sorti un petit DVD, un double DVD CD en 2014. Son premier album en 2018, 300 concerts à l'actif, et là il a sorti son deuxième album en post-Covid, et là il prépare son troisième album en 2023. Mmh. Et en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est pas loin d'ici, puisque c'est un artiste tourangeau. Tourangeau. Voilà. Ouais. Donc, c'est donc, bien aussi de. On de fait voir. Dans les produits courts, locaux. Circuit court. Circuit court, voilà. C'est quelqu'un du tiroir. Du voilà. tiroir. Eh ben ouais, t'as un petit morceau à nous faire écouter. Ouais, on va écouter un petit morceau. Donc j'en avais préparé plusieurs, j'en ai diffusé plusieurs, puisque comme je vous disais, je reçois régulièrement les morceaux au fur et à mesure où ils sortent. Et justement, le morceau qu'on va écouter s'appelle Who You Are. Vous en êtes live. Sur Radio. Je sais pas si dans la. Oui, c'est en live. C'est une vidéo dans laquelle où il nous explique justement comment faire. Non, il y a plusieurs. Je confonds un petit peu. Non, ça c'est un morceau, je crois, en live. Il me semble. Enfin, on va l'écouter, on verra bien. On verra s'il y a du public. Ouais. Voilà. Pour l'instant, il y a un chien. Voilà, donc Jekyll Wood qui sera demain au festival Le Son des Blés. Et on a parlé plein de choses, on a parlé restauration et tout ça, mais voilà, le prix de l'entrée. C'est gratos. Quoi? Oui, c'est gratuit. Oui, il y a encore des choses qui sont en France gratuites. Donc oui. Notre objectif, c'est pas de gagner de l'argent à profusion. Notre objectif, c'est vraiment de faire passer notre passion qui est la musique, le plaisir de rencontrer les gens, de communiquer, de partager. Donc on fait ça gratuitement parce que déjà la musique devrait être gratuite. C'est un vrai partage, c'est un vrai bonheur. Et c'est vrai que dans ce pays où on va nous faire, on nous fait payer l'eau, on va nous faire bientôt payer l'air qu'on respire, la musique, pour l'instant, voilà, elle est payante, mais elle a un prix. Mais quand on peut la partager gratuitement, bah, c'est encore mieux, quoi. Oui. On a un petit dernier groupe, une petite façon de dire. Ils sont nombreux. 8 sur scène. Donc on a une scène de 70 mètres carrés. Ah ouais, carrément. Donc ouais. Normalement... C'est un petit appartement, quoi, carrément. Un grand appartement, déjà, 70 mètres. Hein. Ne parlons pas de ça aux Parisiens, ils vont être frustrés. Ouais, parce que là-bas, c'est plutôt 24, à peu près. Non, ils sont 24 dans les 70 mètres carrés. Ah ouais, c'est ça, ouais. Non, ils s'appellent Dirty Charlie. Les Dirty Charlie qu'on a reçus il y a quelques temps, déjà, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On avait passé un superbe moment à les écouter. Et puis, je les ai jamais vus sur scène, ça sera justement l'occasion de pouvoir les découvrir. Donc, eux, ils sont nés en 2003. Non, pas la date de naissance des musiciens. Ouais, le groupe lui-même. Quoi, la base du groupe. La base, parce qu'il a évolué. Il y a eu pas mal d'évolutions en 2010. Et puis, là, actuellement, maintenant, donc, ils sont 8. Alors, eux, leur truc, c'est du rock. Alors, au début, ils étaient plutôt punk rock. Mmh. Après, il y a eu du cuivre qui s'est greffé sur la section rythmique. Et c'est devenu un peu plus du rock cuivré. Ouais, rock cuivré, ska aussi, beaucoup de morceaux ska. Ska festif. Ouais, c'est ça. La musique festive. Donc, eux, c'est que de la compo, de A à Z. Le morceau que j'ai prévu, justement, c'est une reprise. Ah, bon, c'est une exception. C'est vrai que c'est une exception. Ils font beaucoup de compos, de temps en temps, quelques reprises. Ouais. Et puis, ils vont nous faire partager leur pêche sur scène. Donc, on va finir en beauté avec du rock cuivré. Ça va être un vrai bonheur pour les oreilles, un vrai défoulement musical. Donc, on vous invite tous à venir demain à partir de 19h, 19h30, début des concerts, afin de se rencontrer. Donc nous, on aura un t-shirt noir avec un petit logo, avec une petite personne avec une guitare sur le t-shirt. Sur le t-shirt. Il y aura marqué Le Son des Blés, donc normalement, on devrait être repérable. Et puis on sera là pour vous écouter, prendre aussi votre avis de comment vous avez ressenti la soirée. Mmh. Donc, parce que le but c'est d'améliorer chaque année. J'ai été à toutes les éditions et j'ai vu le progrès. Et puis aujourd'hui, d'après ce que tu m'annonces, vraiment le festival à l'extérieur, là ça devient vraiment quelque chose de conséquent. On rentre dans la version festival. Mmh. Voilà. Donc notre objectif, c'est de faire partager notre plaisir d'écouter de la musique, de vivre un bon moment ensemble, en bonne amitié, en bonne humanité. Mmh. C'est un grand moment de partage. Voilà. Ouais, on aime bien ce mot-là. Et donc, c'est l'occasion justement de rencontrer les gens. Et puis, pour ceux qui connaissent pas les Sons des Blés, donc vous êtes repérable grâce à votre t-shirt. Gens peuvent venir discuter avec vous. Oui, vous demandez que ça, puisque vous êtes des passionnés. Et donc, parler de musique, On a une page Facebook aussi. N'hésitez pas à venir nous faire un petit like, vous abonner à la page. Et puis, on sera heureux de vous rencontrer et de discuter ensemble, de partager des moments. Si vous avez des plans sympas, on est preneurs aussi. Mmh, justement, pour préparer les prochaines éditions. Éditions, et puis partager des concerts avec d'autres personnes, c'est un vrai bonheur. Donc, notre objectif, c'est ça, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est justement quand on va dans les festivals comme ça, il y a le public, et parmi le public, pour les gens qui connaissent bien, il y a beaucoup d'autres artistes qui font partie d'autres groupes, qui viennent voir comment ça se passe et tout ça. Donc, nous qui avons l'habitude d'aller souvent dans les concerts, on a l'habitude de reconnaître les gens, et justement, c'est un moment de partage, et puis il y en a d'autres qui vont avoir envie de jouer avec vous, d'autres qui vont peut-être vous trouver des bons plans pour d'autres concerts à droite à gauche, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est... Ou peut-être des personnes qui veulent devenir bénévoles aussi. Bénévoles aussi, si vous voulez devenir bénévole justement pour le Son des Blés, l'association, et ben parce ça sera que l'occasion. Si on grandit, évidemment, il va falloir du monde, il va falloir de des bras. Ouais. Très bien. On a aussi une page Instagram. Ah ouais. Attention, on est au top de la technologie. Très bien, donc le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau donc de Dirty Charlie, mais à l'origine c'était un morceau des Rolling Stones, voilà. Painting Black. Ouais, c'est carrément ce morceau qu'on nous a diffusé beaucoup et qui nous font penser beaucoup à la guerre du Vietnam. C'est vrai que voilà, c'était un petit peu l'époque, et elle a été reprise mais à leur sauce, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire du rock. C'est vrai qu'ils ont des guitares quand même assez saturées et ils ont réussi à mélanger ça avec des cuivres, ce qui n'est pas chose simple, mais ils le font tellement bien, et en plus plein de bonne humeur. Moi je les ai vus ici, et dans leurs concerts ils aiment bien aussi improviser, c'est-à-dire ils partent sur une musique, et puis au milieu de la musique ils interprètent une autre, et après ils reviennent à la première, et des fois avec des paroles que les gens connaissent, de manière à ce qu'ils puissent tous interpréter ensemble avec le public ces morceaux-là. Entre autres, il y avait Thierry Hazard avec le Jerk. Ils avaient commencé dans une chanson, ils avaient intégré celle-là, et puis tout le monde chantait ensemble, et après ils revenaient à la chanson. Donc voilà, c'est plein de bonne humeur, et puis Je pense que ça va être un bon moment. Ouais, ça c'est certain. On écoute tout de suite donc les Dirty Charlie avec Painted Black. Yeah. On voit que c'est vraiment très dynamique, donc le groupe Dirty Charlie, avec un morceau, une reprise des Rolling Stones, mais ils font beaucoup de compositions aussi, hein, donc justement, ça sera l'occasion de les découvrir demain. Moi, je les connais déjà, je les ai reçus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. N'hésitez pas au complet, hein, parce que forcément, 8, c'est pas évident de les recevoir ici. Et puis, ils avaient fait un petit live en acoustique, mais c'est sûr qu'au niveau des cuivres et tout ça, c'est pas évident. Hein. Donc, mais là, ça sera justement l'occasion de les voir demain au festival Le Son des Blés à Boulay-les-Bars à partir de 19h. Donc, 4 projets. Qui vont se suivre. Il y en a un quand même qui va faire l'interplateau, donc Jesus. Je sais pas si on le dit en anglais, Jesus Whiskey. Ça donne mieux. Ouais. Ouais, ça Jesus Whiskey, mais je suis obligé de quand même répéter un petit peu parce que c'est pas dans mon habitude de parler beaucoup anglais. Les oreilles qui saignent, Jekyll Wood et Dirty Charlie, donc 4 groupes. Il y en a un qui est tout seul, mais il fait le groupe à lui tout seul. Oui. Hein, c'est un peu comme Renaud disait, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Donc c'est Jekyll Wood. Et puis donc l'entrée est gratuite, c'est en extérieur. Et il fera beau, donc il faut y aller. Bon, une petite laine. Oui, c'est vrai qu'on est quand même au mois de septembre, on va pas s'attendre à 30 degrés non plus. Hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus agréable aussi que quand il fait trop chaud. Moi, j'ai été à des festivals des fois en plein mois d'août où il faisait une chaleur pas possible. L'après-midi, les gens ils sont tous à l'ombre. Hein. Il y a personne qui est en train de suivre le spectacle. Alors que là, donc ça c'est le soir. Donc il vaut mieux prévoir quand même un petit gilet ou un truc comme ça. Mais dans l'ensemble, ça devrait aller en tout cas. Bon, vous n'êtes pas obligé de venir non plus avec les après-ski, le bonnet et les écharpes hein, non plus. Bon, après, ils seront obligés de les enlever et de les mettre au vestiaire. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. On a eu aussi un appel de notre ami Christophe du groupe Prisma. Hein. Comme d'habitude, il nous fait toujours son petit appel. Et puis ce qu'il a dit, c'est voilà, ça c'est des gens qu'il faut féliciter. Donc tu les féliciteras de ma part parce que voilà, c'est une association comme ça. Bah, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus pour pouvoir permettre de faire des festivals dans la région et de faire découvrir les artistes. Et ça, c'est très important. Donc voilà, félicitations de notre ami Christophe. Merci Christophe. Voilà. De la part de tous les bénévoles de l'asso, évidemment. Bien entendu. Vous êtes combien dans l'asso? Une petite vingtaine. Oh, bah, c'est déjà pas mal. C'est une bonne. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Un peu plus. Une grosse vingtaine. Une grosse vingtaine, alors, ouais, c'est ça. Bah, très bien. J'espère qu'il y en aura de plus en plus et que le festival va grandir. En tout cas, moi, je l'ai vu grandir à une vitesse pas possible. Et à chaque fois que j'ai été là-bas, j'ai passé un très bon moment. D'ailleurs, on se voit à chaque fois que j'y vais. Hein. Oui. Donc, tu te souviens de certains artistes qui étaient déjà passés? Bon, c'est vrai qu'il y en a eu. On a eu un paquet, alors ça va pas être facile de se souvenir de tous. Route 66, un petit groupe qu'on avait rencontré une scène ouverte. Mm-hmm. C'était du côté de Inver, c'était des gars du 61, je crois, de l'Orne. Il y a eu Marmouth Garden, ouais, qu'on connaît bien. D'ailleurs, ils étaient revenus un peu et puis on n'entend plus parler là. Je sais pas. Bon, on va. Pas de news. Voilà. Qui c'est qu'on a eu? Les Tétons Flingueurs. Turnoff aussi que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Turnoff que j'avais découvert là. Skawax, ouais, un superbe groupe. Hein. Ça, c'est vrai que. D'ailleurs, je les ai toujours pas reçus, les Skawax. Et pourtant, j'ai souvent des contacts par Facebook, voilà, parce que je diffuse leurs morceaux. Mais il faudrait qu'ils viennent aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça, c'est aussi un groupe de ska, et avec des cuivres et tout ça. Et ça envoie. Moi, je les ai vus déjà sur scène. Recuivré aussi, voilà. J'en vois bien, ouais. Voilà, Turnoff aussi, punk rock, ska aussi, ouais, hein. Donc. Mais vous aimez bien justement quand il y a des cuivres, vous aimez bien. En fait, on aime surtout la mixité de la musique. Ouais, c'est ça. On ouais. veut pas se bloquer sur un style reggae, rock, punk, machin. Non, on essaie de mixer au maximum les tendances musicales parce que l'objectif c'est aussi de faire découvrir tout ce que les artistes régionaux, parce que on est un petit festival, donc on peut pas se payer des grandes têtes d'affiche non plus, mais voilà, le but c'est de faire découvrir les gens qui sont autour de nous et puis la simplicité aussi des musiciens, le côté abordable, prêt à partager, à discuter. C'est des vrais grands moments de partage et de communication avec les artistes et puis le public. Donc on est là pour justement que tout se passe dans le meilleur des cas, passer des meilleurs moments et prendre plaisir, et s'éclater, et s'éclater. Et avoir envie de revenir l'année prochaine. Et, ouais, voilà. Et l'année d'après. Et l'année, etc. En tout cas, on va le rappeler à nouveau, donc le festival Le Son des Blés, donc qui aura lieu demain à partir de 19h. Ça va durer jusqu'à quelle heure, ça, ça il y a quand même, jusqu'à un certain temps. Ouais, jusqu'à temps que, jusqu'au soir, quoi. Bah, jusqu'à temps que ça se termine. D'accord. Et donc, il y aura les quatre groupes qu'on vient de citer. C'est gratuit et ça sera en extérieur. Donc, extérieur. Voilà. Et c'est à Boulay-les-Bars. En moyen de paiement, on prend aussi les cartes bleues. Ah ouais, vous êtes équipé carte bleue et tout oui, ça. Oui, on a un petit plutôt. Bien. Parce donc, qu'il n'y a rien de plus rageant, c'est quand on va à un festival et qu'on n'a pas été au distributeur et qu'on n'a pas de monnaie. Carte bleue. On prend carte bleue. On aura un petit guichet quand vous allez arriver juste après l'église sur la droite. Il y aura sur la gauche, pardon. Il y aura un accueil banque. Et puis c'est là où on va transformer les euros en épis. En épis. Et comme ça, il n'y aura pas Vous mangez pas les épis, on va pas galérer. Ça va être le top. Ça va être le top. Ça va être le top. Très bien, en tout cas, merci Pascal d'être venu. Mais non, et Marcelin aussi, qui n'a pas beaucoup parlé, mais qui a écouté. Et que je voyais qu'il prenait des informations aussi pour essayer de rien oublier. Donc voilà, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Et puis il va falloir que Swing Camille revienne ici dans les studios. Parce qu'il y a eu des bons lives lors de vos passages. Et on va revenir en 2017. C'était l'émission numéro 151, si je me trompe. Je m'en rappelle, Big Boy. Tu te rappelles plus? Non, pas le numéro de l'émission. Non, parce que c'est marrant, les gens se souviennent. Des fois, il y a des musiciens qui sont passés. Ils m'ont dit, oui, on était dans la 149 ou la 200 et quelques. Voilà, donc là, c'était la... J'ai dit combien, moi, tout à l'heure? 151, tu m'as dit. Non, c'est pas 151, c'est 350. Voilà, parce que moi, j'avais plutôt 100 en mémoire. Ouais, 351, oui, encore, je me dis 100. Ben non, attends, on est à la 520e aujourd'hui. Ah ouais. Donc voilà, ça avance très vite. Hein. Et donc, c'était au mois, je me souviens plus du mois. C'était en décembre, parce que je me rappelle, on avait pris des photos. Oui, des photos avec les Pères Noël. Avec les Pères Noël. Voilà. Donc c'était en décembre. Et on écoute tout de suite un morceau. C'était donc, vous partez d'un sujet, d'une chanson que les gens connaissent et après vous l'interprétez à votre manière, ouais, à votre sauce. Swing Manouche. Et c'était Les Feuilles Mortes. Ah ouais. On écoute tout de suite. Thank you. Voilà, donc petit souvenir de 2017 dans l'émission numéro 351. C'était nos invités, les Sun Kamil. Et ce soir, il y a deux des membres qui sont là. Donc, ils sont venus comme ambassadeurs de l'association Le Son des Blés. Merci à vous, en tout cas, d'être passés. Et puis, merci à toi. Il va falloir que vous alliez vous reposer pour être en pleine forme demain. Alors. On a encore deux, trois petits trucs à bricoler d'ici demain, déjà. Ouais, ouais, j'imagine. Hein, je sais que c'est. Et puis, c'est un peu demain... le stress, hein, c'est un peu. Ah oui. C'est un peu pénible, mais vous êtes tellement content de le faire que. Mais c'est un bon stress. Et puis demain, ça va être. Ça va éclater. C'est la joie qui va être là. C'est le bonheur, c'est le partage, c'est les bons groupes. Voilà, c'est le finalement. La bonne humeur aussi. La bonne humeur, voilà. Humeur. C'est la rançon du succès. Voilà, c'est quand ça marche bien. Pas la rançon du succès, mais la rançon du travail que, ouais. qu'on a fait tous ensemble. Depuis plusieurs mois à préparer cette nouvelle édition et notre objectif, ouais, bah, ouais, toujours, c'est ça, le partage. La rançon du succès, parce que la rançon du travail, parce que le succès lui viendra avec les spectateurs. S'il y a beaucoup de gens qui seront là, on espère. Ben là, ça sera vraiment le succès et c'est ce qu'on attend vraiment des gens. Donc demain, allez-y au concert, au son des Blés. Son des Blés Festival. Festival à Boulay-les-Bars. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde. Allez, bonne soirée. To their friend. danser sans me voir. Cruautés à talons, piétinant nos espoirs. De vos sourires bidons, je retourne. Tout ce qui tourne autour de moi. Allô, allô, la terre, ici, vagabond. Ici, vagabond. Des poings levés se dressent, peau de fer, peau de fesse. Je ne vois que vos bas comme des rats vous trottez. Je respire vos pas, je ne peux pas vous aimer. Pas très cool, non, l'hiver sans toi dans la ville. Juste une porte cochère, des mains dans ta gueule. Même si la vie est faite pour moi, je ne sais. neutral. His government is not neutral, but an ally to the bosses. His government is not neutral. His government is not neutral. His government is not neutral. c'est quoi tout ça? Oh oui, dis-le-moi, dis-moi, dis-moi ça. Ça sert à quoi? C'est quoi ce truc-là? Ça marche à quoi? Oh oui, dis-le-moi, dis-moi pourquoi ça va dans ce sens-là. Fabrique ça, oh oui, dis-le-moi, dis-moi, ce truc-là, ça, ça sert à quoi? Dis-moi, pourquoi ils font ça? Oh oui, dis-le-moi, pourquoi, pour qui, comment on fait ça? C'est quoi ça? Et puis ça? Oh oui, dis-le-moi, c'est à moi ou à toi? Ça, montre-le-moi, dis-moi quoi faire de ça? Oh oui, dis-le-moi, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se trouve là? Mais qu'est-ce que ça fait là? Tout ça. Oh non, je ne sais pas, je sais pas comment, pour qui et pourquoi. Je sais pas, je sais pas, ça se voit pas. Oh non, ça se voit pas, je sais pas, je sais pas répondre à tout ça. We'll be right back. écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. On est ensemble jusqu'à 22h. Et puis, si on devait passer quelques secondes ou quelques minutes, c'est pas bien grave. En attendant, on a écouté plein de bonnes musiques. C'est pour ça que c'est difficile d'interrompre la bonne musique. Quand la musique est bonne, elle est bonne. On a écouté Sugar Cane avec Hobo Blues. Doreen Lowe avec... Allô la Terre, Celtic Reich que nous avons reçu il y a 15 jours dans l'émission avec le medley de Gig. On a écouté aussi les Motor Rice avec Ready to Fight, les Burning Head, on les a pas écoutés une fois mais trois fois, All See the Glow, Endless Loop et A Field Struggle. Et juste après on a écouté notre ami Chris avec C'est pas la peine, Duke avec Dis-moi, les RN6 à l'instant et on va continuer avec les Turn Off avec un morceau qui s'appelle James Carter. Survivre toutes ces années. Un beau jour, l'armée débarque en Mélodie jusqu'en Irak. Y a pris l'heure de la guerre, les amorcer du nucléaire. James Carter n'a peur de rien, c'est un vrai américain. À la fin, il en restera qu'un, qui est un mort. Quand les martiens vont débarquer, il est le roi de la guerre. On l'appelle James Carter. Il fait peur aux gangsters. On l'appelle James Carter. Il n'a pas peur de l'enfer. On l'appelle James Carter. Notre héros publicitaire. On l'appelle James Carter. Virtuose de l'étincelle, son nom rime dans nos cœurs, comme requin avec menteur. On passe très vite, voilà, on arrive à la fin de cette émission, donc c'était l'édition numéro 520 de l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. On se retrouve la semaine prochaine avec la 521e. Nous recevrons à cette occasion le groupe Duke qui viendra nous présenter la nouvelle formation du groupe puisqu'il y a un nouveau percussionniste et puis depuis le temps qu'ils sont venus ils ont plein de choses à nous raconter, j'en suis sûr. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission, donc on va dire les phrases magiques, que le rock and roll soit avec vous, everything is gonna be alright, et une vie sans musique serait une erreur. Oublie pas demain, donc le concert de demain soir, c'est à Boulay-les-Bars, donc c'est le festival, le Son des Blés Festival plus exactement. C'est le festival, donc on en a parlé tout à l'heure avec nos invités, et il y aura plusieurs groupes présents. Il y aura Jekyll Wood, Dirty Charlie, Les Oreilles qui Saignent et Jesus Whiskey. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission se termine, donc restez avec nous, vous écoutez RDP International juste après, et puis on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine à partir de 19h avec le groupe Duke pour la 521e. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah j'ai oublié une seule chose, voilà, mais je l'ai pas complètement oublié. C'était l'anniversaire de notre auditrice la plus fidèle, Irène. Donc voilà, je lui souhaite à l'antenne un très bon anniversaire. Et puis voilà, au plaisir de la retrouver très prochainement. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, et rendez-vous la semaine prochaine. BML sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Possível avançar para uma solução conjunta sobre o futuro aeroporto da região de Lisboa, com Luís Montenegro a aproveitar para realçar que o governo acolheu a globalidade das ideias lançadas pelos sociais-democratas. Podemos concluir que a missiva que endereçamos ao governo teve um acolhimento generalizado.